Toujours à l'occasion de la journée du soleil, la famille de Tang Weihua, chinois liée à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et sa suite, ont offert une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Dong Jin-chuan, fils de Tang Weihua, l'a transmise le 13 avril à un cadre coréen intéressé.